La 27e exposition nationale des réalisations informatiques a été clôturée le 3 courant. Au service de clôture tenu au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, on prépare Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, des fonctionnaires concernés et programmateurs. Les meilleures unités d'activité et programmateurs ont reçu des prix avec les coupes, fanions, diplômes, certificats et médailles.